pixels gravent une trêve. Vos regards brillent dans l'ombre ardente. Chaque souffle devient ta tente. Rider Skill glisse sa voix dans vos veines. Sa présence rocatise vos chaînes. Il réunit vos cœurs brûlantes. Chaque désir devient constant. Feel the hunger, taste the flame. Passion carved in scars. Every fire hides the stars. We are Rider Skill eternal, and our voices cross the dark. Les viewers s'élancent sans un mot. Chaque vibration pèse comme un fardeau. Vos désirs roulent dans la chair. Chaque instant devient lumière. Rider Skill domine dans la nuit. Sa voix brute guide et construit. Il s'élève au cri au creux du feu. Chaque murmure devient un jeu. Nos voix s'enchaînent. Nos corps s'élancent, chaque vibration devient jouissance. Sous la basse, nos âmes s'élèvent, chaque passion jamais ne s'achève. Feel the hunger, taste the flame, every whisper calls the game. Through the silence, hearts ignite. Rider Skill controls the night. Born of passion, carved in scars. Every fire hides the stars. We are Rider Skill eternal, and our voices cross the dark. Les viewers s'offrent dans la fièvre. Chaque pixel devient l'air. Chaque désir laisse sa trace. Rider Skill parle, vos cœurs se plient. Sa voix grave dirige la nuit. Entre vos mains, la flamme s'écrit. Chaque mot nourrit l'infini. Feel the hunger. Taste the flame. Every whisper calls the game. Through the silence, hearts ignite. Rider Skill controls the night. Born of passion, carved in scars. Every fire hides the stars. We are Rider Skill eternal, and our voices cross the dark. Dans vos yeux, je me perds encore. Chaque vibration m'appelle plus fort. Le gaming brûle dans vos veines. Un chant obsédé, une douce chaîne. Viewer.